Deuxième partie, à la blanchisserie-teinturerie. Allons bon. La teinturerie n'est pas encore ouverte. Le magasin ouvre à 2 heures. Ah, voilà le teinturier. Excusez-moi, mademoiselle. D'habitude, nous ouvrons à 2 heures précises. Mais ma femme n'est pas là le samedi et je suis obligé de tout faire moi-même. C'est pourquoi j'ouvre un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? J'ai des vêtements à nettoyer. Ce chemisier, je le nettoie à sec, bien entendu. Oh oui. Vous n'allez pas perdre les boutons du veston? Non. Mais quand nous perdons des boutons, nous les remplaçons gratuitement. Et le marron de ma jupe ne risque pas de déteindre sur le blanc? Non, ne craignez rien. C'est une couleur bon teint. Mais je vous conseille d'enlever ces boutons peints. Ils ont l'air fragiles. Surtout celui-ci. Il est très gros et on dirait qu'il est peint à la main. Ceux-là, sur le côté, sont très petits.